Ousmane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 30 avril 2021. Voici les grands titres de ce journal, la grande édition de cette demi-journée. Le projet de loi budgétaire 2021-2022 exige à tout investisseur de présenter une preuve de création d'emploi. Vous en aurez les détails. Les boulangeries de la zone Rohero et Ibiza manquent de sucre et risquent de fermer. C'est un reportage que vous suivez dans cette édition. Et c'est un bien triste anniversaire de 24 ans aujourd'hui où l'on se souvient du massacre de 40 jeunes séminaristes de Bouta. C'était à l'aube du 30 avril 97 quand ces martyrs de la fraternité, comme on les appelle au Burundi, ont été tués par des rebelles. Et des femmes faisant le commerce transfrontalier à Kayanza réclament la réouverture des frontières du Burundi avec le Rwanda. Vous aurez les précisions de notre correspondant. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Encore sans vie dans certains Bouchumi Pascal, enseignant à l'école fondamentale Mivo, qui habitait le quartier Gisagara du chef-lieu de la province Ngozi, a été retrouvé dans la petite matinée de ce vendredi dans une plantation d'eucalyptus à environ un kilomètre de son domicile. Des sources administratives et policières indiquent que le disparu a répondu à un appel reçu pendant la nuit. Sa famille a attendu son retour, mais en vain, c'est ce matin que son corps a été retrouvé. Membres inférieurs et supérieurs attachés par une corde avec un lacet à la gorge. L'administrateur de la commune Ngozi, Joseph Martin Wuchumi, dit que les enquêtes ont déjà commencé pour connaître les auteurs et les mobiles de ce forfait. 30 avril 1997, 30 avril 2021, cela fait exactement aujourd'hui 24 ans que 40 jeunes du petit séminaire de Bouta en province de Bururi ont été massacrés pour avoir préféré la fraternité à la division et à la haine. Depuis, un sanctuaire a été érigé et élèves comme pèlerins vont se recueillir sur leur tombe. L'ouverture de la phase diocésaine du procès de canonisation de ces martyrs burundais constitue un symbole fort pour l'Église du pays. Isanganiro. Certaines femmes commerçantes transfrontalières de la province Kayanza demandent à l'État burundais de négocier avec le gouvernement rwandais pour l'ouverture sécurisée de la frontière burundo-rwandaise, dite Kanyaruho. Elles indiquent qu'elles travaillent aujourd'hui à perte puisqu'elles ne parviennent plus à exporter ni importer sur leur marché habituel au Rwanda et en Ouganda. Justine Komeza-Dusabe, conseillère du gouverneur à Kayanza en charge des finances, suggère à ces femmes de se regrouper en association et d'exercer le commerce local en attendant que l'affaire soit réglée des deux côtés. Les précisions de notre correspondant Patrick Nsengiyumva. Comme l'a indiqué Thierry Raviarimana, représentant de l'association des commerçants transfrontaliers du Burundi, beaucoup de femmes burundaises exerçant ce type de commerce ignorent encore les lois et règles régissant ce domaine. D'après son représentant de la CTF, cet atelier de formation qu'ont subi ces commerçantes s'inscrit dans le cadre de leur faire part de certaines de ces lois et leur indiquer les documents nécessaires pour exercer le commerce transfrontalier ou s'en procurer, a-t-il ajouté. Cela étant, Thierry Raviarimana a rappelé à ces commerçantes que le Burundi est membre de certaines organisations et communautés sous-régionales et régionales à vocation commerciale. Ces femmes transfrontalières, alors, selon lui, sont appelées à se préparer à la compétitivité commerciale avec d'autres commerçants transfrontaliers des pays membres de ces organisations, étant donné, selon toujours lui, que le Burundi va bientôt entrer dans la zone de libre-échange continentale africaine. Les femmes commerçantes et transfrontalières de Kayanza bénéficiaires de ces enseignements se sont dites s'en réjouir, surtout que ça leur permettra de développer leurs activités commerciales, nous ont-elles affirmé. Pourtant, elles ont déploré le fait que la frontière burundo-rwandaise dite Kanyaruho est fermée. Ces commerçantes transfrontalières de Kayanza demandent son ouverture sécurisée. Justine Komeza-Dusabe, conseillère du gouverneur en province Kayanza en charge des finances, a demandé à ces commerçantes qu'en attendant, elles puissent se regrouper dans des associations de développement et exercer le commerce local. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick, je venais de vous le dire dans les titres, en vue de juguler le problème de chômage au Burundi, le projet de loi budgétaire 2021-2022 exige à tout investisseur de présenter une preuve de création d'emploi ayant la même valeur pécuniaire que la valeur des exonérations pour bénéficier des avantages fiscaux. Ce projet prévoit en outre le paiement de la totalité des frais d'indemnisation et des arriérés relatifs aux expropriations. D'autres prendront ce projet de loi avec Mireille Kanyang. Ce projet de loi budgétaire 2021-2022 montrait que le paiement des frais d'indemnisation et de tous les arriérés permettrait le déroulement normal des projets de développement et des modalités pratiques pour une gestion efficace et efficiente de l'activité d'indemnisation seront arrêtées pour éviter des fraudes probables. Les paiements en espèces et sous guichet de la banque centrale seront régis par une nouvelle réglementation et ce, dans l'optique de la mise en œuvre de la politique nationale de l'inclusion financière et du projet de transparence et de traçabilité dans la gestion de la chaîne de la dépense publique seront également privilégiés dans ce projet de loi budgétaire. Les projets d'électrification ruraux, sachant que 13% de Burundais ont accès à l'électricité en faible taux par rapport aux autres pays de la communauté est-africaine. Selon toujours ce projet de loi budgétaire 2021-2022, il y aura suppression de l'exonération des marchés financiers sur fonds publics et des fournitures destinées à la présidence de la République, aux forces de la défense nationale du Burundi et de la police nationale du Burundi ainsi qu'au service national de renseignement. C'est une mesure dictée selon ce projet de loi par la problématique de comparaison des prix pour les fournisseurs exonérés et ceux qui ne le sont pas. Exemple donné, c'est que les fournisseurs de vivres ayant moins d'un chiffre d'affaires de 100 millions de francs burundais ou légèrement plus supportent l'impôt pendant que les fournisseurs de vivres, de la défense et de la sécurité ayant un chiffre d'affaires d'1 milliard de francs burundais sont exonérés. Merci Mireille Kanyangé. Nous reparlerons dans ce journal des investissements puisque le projet de loi portant code des investissements du Burundi révisé a été adopté ce jeudi par l'Assemblée nationale. C'est tout à l'heure. Mais avant cela, environ 30% de litiges fonciers au niveau local n'ont pas été bien gérés. Conséquence, la cohésion sociale et la paix dans les communautés en pâtissent, ce qui a poussé l'entreprise LADEC et la Direction de développement et de la coopération suisse-burundi à mettre en place un projet de prévention et résolution des conflits fonciers au niveau local dans 5 communes des provinces Ngozi et Kayanza. Selon Severin Iwitanga, directeur gérant du LADEC, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités des mécanismes locaux de gestion des conflits particuliers et le projet est financé à hauteur d'1 400 000 000 de francs burundais. Apollinaire Muzagara pour les détails. Le taux de croissance annuel de la population burundaise estimé à 3,7% cause l'émiettement des terres qui conduit par conséquent à de nombreux litiges fonciers. À titre d'exemple, 70% des dossiers civils pendant aux tribunaux de résidence sont de nature foncière selon une étude récemment menée. Ces conflits fonciers perturbent l'ordre et la sécurité selon Severin Ibitanga, expert en la matière, ce qui a poussé le gouvernement burundais et la coopération suisse au développement à initier des services fonciers communaux pour une bonne gestion des terres, services qui ont octroyé aux citoyens des certificats fonciers en vue de faire face à ces litiges. Projet qui a pris fin avec 2017. Pourtant, le constat, selon Severin Ibitanga, directeur gérant du LADEC, une entreprise engagée dans la gestion foncière, est que 30% de ces conflits n'ont pas été bien gérés, d'où le LADEC et la coopération suisse envisagent de nouveau un autre projet de prévention et de résolution des conflits fonciers au niveau local, projet qui va durer 3 ans depuis 2021. D'où le LADEC et la coopération suisse envisagent de nouveau un autre projet de prévention et de résolution des conflits fonciers au niveau local. Projet allant dans le but de soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine et qui va durer 3 ans depuis 2021. Ce projet couvrira 5 communes des provinces Ngozi et Kayanza, dont certaines comme Gatara atteignent plus de 2000 habitants par kilomètre carré. Selon Severin Ibitanga, beaucoup d'efforts seront mis sur le renforcement des capacités des mécanismes locaux de gestion des conflits fonciers, en particulier la nouvelle structure récemment initiée par le gouvernement, à savoir le Conseil coordinaire des notables, sans oublier le personnel des tribunaux de résidence. Et parmi les modules de formation de ces notables, les techniques de gestion pacifique des conflits et autres. Ce projet est financé par la coopération suisse à hauteur de 780 000 francs suisses, soit l'équivalent d'environ 1,5 milliard de francs bou. Propos tenus ce jeudi en Ngozi lors d'un atelier de présentation et de planification de ce projet. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganyiro. Merci Apollinaire Mozagara. On revient maintenant sur les facilités d'investissement offertes par le projet de loi portant code des investissements du Burundi révisé tel qu'adopté ce jeudi par l'Assemblée nationale. Mais des parlementaires ont soulevé des inquiétudes en voulant savoir si ce projet de loi va impacter sur le prix des marchandises importées en se basant sur certaines entreprises. Le ministre ayant le commerce dans ses attributions a dit que le prix des marchandises est souvent fixé par l'État. Lydie Gahimbare. Des parlementaires ont soulevé la question de savoir quel impact de ce projet de loi sur les marchandises importées une fois le projet de ces investisseurs sont réalisés. L'honorable Salvatore Bigirimana pose cette question en donnant l'exemple des sociétés comme Buseco et Musumba Steel, dont les prix des matériels de construction sont toujours élevés. Sur cette question, le ministre ayant le commerce dans ses attributions, Imakile Ndabanedie, dit que seul l'État a le droit de fixer les prix des marchandises. Et si ce n'est pas le cas, des autres sont des spéculateurs. L'honorable Prosper Manilambona a également soulevé la question de savoir si ce projet de loi dispose d'une commission chargée de vérifier si des marchandises importées ne sont pas nuisibles à la santé humaine. À cette question, Imakile Ndabanedie, ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du tourisme, dit que c'est pas le cadre de l'agence de promotion des investisseurs qui est chargé de suivre ces irrégularités, plutôt que c'est au sein du ministère de la Santé qui a ce service et chargé de la gestion de la santé humaine qui doit vérifier si de telles boissons a des effets négatifs ou pas à la santé humaine. Le ministre ayant le commerce dans ses attributions fait savoir que ce projet de loi a pour objet de promouvoir et faciliter les investissements. Lydie Gahimbare. Je vous l'avais dit dans les titres, les boulangeries se trouvant dans les zones Rohero et Bliza de la commune urbaine de Mukaza déplorent le manque de sucre pour faire tourner leurs activités. Les responsables de ces boulangeries indiquent que l'approvisionnement en sucre a été réduit de moitié et crient au secours avant que la situation n'empire. Les détails avec Omer Ndouayo. La boulangerie pâtisserie Triano. Le sucre reçu est d'une quantité insuffisante. Au lieu de 20 sacs par mois, seuls 10 sacs ont été disponibles au mois d'avril. La même question se pose à la boulangerie Goshen du quartier Rohero 2, comme l'affirme le gérant. Même aujourd'hui, on en reçoit de la part de l'agence de Sosumo qui est ici à Bujumbura. Seulement, auparavant, on recevait 4 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes sur un régime d'un tonne par mois. Toutefois, la boulangerie du Tchekap, l'approvisionnement en sucre est resté la même, avec 40 sacs reçus d'ordinaire. Ah oui, pour le moment, la boulangerie pâtisserie Select est satisfaite, parce que la quantité ordinaire que nous recevons n'a pas changé. Nous recevons 2 tonnes par mois, c'est-à-dire 40 sacs de 50 kg. Ces boulangeries qui ont vu leur approvisionnement amputé de la moitié demandent la régularisation de la situation. Pour nous approvisionner en sucre, nous essayons d'aller ici et là, dans différents marchés et partout où on entend qu'il y a du sucre, même dans les petites boutiques, si on nous dit qu'il y a du sucre, même pour les vendeurs détaillants en kilos, on y va et on essaie de rassembler les différents kilos des différentes boutiques pour que nous puissions continuer à travailler. Quant à moi, pour que la question soit résolue, il faudrait que l'administration, en collaboration avec la Sosumo, s'assoie ensemble pour régler le problème. Le sucre est utilisé dans la fabrication des pains et de la société sucrée du Mosso, Sosumo en sigle, comme l'indiquent les boulangers de la capitale économique. Merci Omer Ndouayo. Il est 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et on revient maintenant sur le triste anniversaire du massacre d'Obuta. 24 ans viennent de s'écouler après l'assassinat des 40 élèves du petit séminaire d'Obuta qui ont refusé de se diviser par ethnie respective et préféré mourir ensemble. Eric Nkengurutse, représentant légal de l'association Lumière du Monde, une association de rescapés d'Obuta, appelle les Burundais à apprendre de cet exemple. On l'écoute. Aujourd'hui, le 30 avril 2021, nous commémorons le 24e anniversaire de la mort des 40 martyrs de fraternité. Et c'est le bon moment de se souvenir de ce beau geste qui a été posé par les jeunes séminaristes. Le 2 mai, c'est-à-dire dimanche 2021, nous allons nous rendre à Buta, là où reposent nos 40 frères qui ont accepté de mourir comme des frères en refusant de se séparer à caractère ethnique. Il y aura également c'est-à-dire ce dimanche, le renseignement de l'année jubilaire pour le 25A. Le message simple et clair, cette année jubilaire, ce sera le moment d'apprendre, de changer la mentalité des Burundais à l'image de cette lumière qui a jailli à Bouta le 30 avril 1997. Et nous espérons que cette année jubilaire pourra nous amener à être à la hauteur de nos différends, malgré nos différences, et nous aider à comprendre les périodes sombres, tragiques, que notre pays a traversées sous casquette ethnique. Donc aujourd'hui, il est prévu une messe à la cathédrale Regina Mondé à 17h30. Et les séminaristes, les rescapés, les amis et toute autre personne qui a compris, qui a accepté et qui reconnaît qu'il y a eu à Bouta une lumière qui a éclairé le pays pourra venir se joindre à nous. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Dans le reste de l'actualité africaine en RDC, cela fait 6 jours que les élèves passent la nuit dans la cour de la mairie de Beni pour réclamer plus de sécurité dans la région et surtout le départ de la MONUSCO, la mission onusienne qu'ils jugent inefficace. Ils demandent également au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi de se rendre sur place en personne pour mesurer la gravité de la situation. Le chef de l'État congolais avait promis d'installer dans la région l'état-major de l'armée. Il avait même annoncé qu'il s'installerait lui-même dans cette partie du pays ce jeudi. En marge d'un entretien avec Charles Michel, le président du Conseil européen, le président congolais leur a promis un déplacement. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu jeudi 24 avril sa première réunion à huis clos pour évoquer les risques liés à la dispersion des mercenaires présents en Libye dans les pays de la région. Après avoir demandé pendant plus d'un an le départ des mercenaires qui ont fait empirer la situation en Libye, le Conseil de sécurité s'inquiète maintenant de leur dispersion dans les pays voisins. Il serait plus de 20 000, au moins 13 000 Syriens et 11 000 Soudanais surarmés. La présence de miliciens russes du groupe Wagner a toujours été évoquée depuis le début du conflit libyen aussi. Or, la demande onusienne d'un cessez-le-feu a été entendue récemment et un dispositif pour faire contrôler le cessez-le-feu a été imaginé. Il devrait être mis en place sous quelques mois. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le projet de loi budgétaire 2021-2022 exige à tout investisseur de présenter une preuve de création d'emploi. Et les boulangeries de la zone Rohero et Ibwiza manquent de sucre, risquent de fermer. Et c'est un bien triste anniversaire de 24 ans aujourd'hui où l'on commémore le massacre des 40 jeunes séminaristes de Bouta. C'était à l'aube du 30 avril 1997 quand des rebelles ont tué ces martyrs de la fraternité, comme on les appelle au Burundi. Et l'ouverture de la phase diocésaine du procès de canonisation de ces martyrs burundais constitue un symbole fort pour l'église du pays. Enfin, des femmes faisant le commerce transfrontalier à Kayanza réclament la réouverture des frontières du Burundi avec le Rwanda. Vous l'avez suivi avec notre correspondant Patrick Senguiyumva. Il est 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à votre douleur d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Toussaint Mitebouti. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.